السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألينا أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإن كما يعني comme je vous ai promis aujourd'hui inshallah ta'ala c'est le premier cours sur les règles du siyam. En fait le ramadan est très proche, il ne reste que peut-être deux autres cours. Avant cela une petite information, nous sommes dans le mois de Sha'ban. Je voudrais dire que pour Sha'ban il n'y a aucune particularité. Non, il n'y a aucune particularité. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de ce mois. Au point où certains ont dit qu'il jeûnait tout le mois. Mais le plus juste, inshallah ta'ala, c'est de dire qu'il jeûnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce mois. Mais par rapport au 15e jour, même la nuit du 15e jour, il n'y a rien aussi. Car certains disent que c'est la meilleure nuit et qu'il faut prier la nuit du 15. Alors qu'il faut spécialement jeûner ce jour-là, ou alors lire le Coran, ou alors tout ça, bien sûr, ça rentre dans les bid'as, comme vous devez sûrement le savoir. Il reste une chose importante, il y a deux hadiths qui apparemment, les savants ont trouvé des difficultés, quelques difficultés à grouper entre eux, mais en fait, il y a une façon de grouper entre eux. Le hadith qui dit que si jamais le Ramadan, Sha'ban, si jamais Sha'ban atteint sa moitié, alors il n'est pas permis de jeûner. Et l'autre hadith qui dit que celui qui a des dettes et qu'il lui reste un jour ou deux du Ramadan, il peut jeûner. Al-Muhim, entre le hadith qui a dit que si c'est le 15 et plus de Sha'ban, il ne faut pas jeûner. Et deuxième hadith qui dit qu'on peut jeûner, les savants ont dit, pour regrouper, c'est très facile, on va dire que quelqu'un qui n'a pas jeûné, par exemple, de Sha'ban, n'a rien jeûné, ce n'est pas bien pour lui si maintenant c'est le 15 et il commence à jeûner, parce que c'est la fin du mois. Donc, il se rapproche du Ramadan, donc le mieux serait de lui de se préparer pour le Ramadan et ne pas de s'affaiblir dans les 15 derniers jours de Sha'ban. Si par contre ils ont dit quelqu'un a l'habitude de se jeûner, a jeûné, par exemple les premiers jours de Sha'ban ou les 15 premiers jours, il veut continuer, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas l'interdiction après les 15 jours, c'est pour celui qui n'a pas encore rien jeûné de Sha'ban, par exemple. Naam. Donc on dit par rapport au Siyam, inshallah ta'ala, en arabe, siyam ou som, la même chose, c'est l'imsak ou l'kaf anashi. C'est le fait de s'éloigner de la chose. Comme, et ça s'emploie dans toutes les choses en arabe. C'est pour ça que Allah Ta'ala, en parlant de Maryam, alayhi salam, il a dit, c'est elle qui a dit, inni nazartu lirrahmani sawman. Donc elle avait décidé de faire un nazar. Un nazar, comme quoi, elle ferait le somme. Et le somme ici, c'est quoi? C'est de ne pas parler. Ne pas parler. Pourquoi? Donc, elle s'est retenue. Donc, le somme, c'est le fait de se retenir. De se retenir. Que ce soit du manger, que ce soit, par exemple, aussi de parler. Par rapport à Maryam, elle a fait le nadr de se retenir, de ne pas parler. De ne pas parler. Non. Au fichar, et ce qui nous intéresse, c'est religieusement, c'est le fait de se retenir de quoi? Des choses, des annulatifs. Des choses, le fait de se retenir des annulatifs depuis le début, du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Tout cela avec l'intention de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils ont ajouté dans la définition avec l'intention de l'adoration, car une personne peut jeûner, ne pas manger, du début du fajr jusqu'au coucher du soleil, mais sans l'intention de faire de ça une adoration. C'est juste par exemple pour problème de santé, non. Ou alors pour se prouver à elle-même qu'elle peut rester une journée sans manger. Non. C'est pour ça qu'il faut que ça soit avec la niya, que c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le siyam, bien sûr, comme vous savez, il a beaucoup de fawaïd. Beaucoup de fawaïd. Non. Déjà, on va citer quelques-unes, inshallah ta'ala. D'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ta'ala a dit tout ce que fait d'être humain, non, c'est pour lui. Il a dit sauf le siyam. Il est pour moi et c'est moi qui le rétribue. Non. C'est-à-dire que pourquoi il a dit tout ce que fait c'est pour lui et le siyam c'est pour moi? Parce que tout ce que fait la personne, par exemple, les gens peuvent le voir. Mais le siyam, quelqu'un peut jeûner sans que personne ne le sache. C'est je jeûne exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je prie, les gens peuvent me voir. Quand je donne la zakat à quelqu'un, déjà, celui à qui je donne la zakat, il sait maintenant que j'ai donné. Quand je vais au hajj, tout le monde me voit. Et comme ça. Mais le siyam, je peux jeûner sans que personne ne le sache. Il est possible que mon épouse ne le sache pas. Non. Il est possible que, sans dire que les voisins, c'est encore pire. Non. Si à l'intérieur de ma maison, ils ne peuvent pas le savoir, qu'en est-il les voisins? Ensuite, il a dit, siyam junna, siyam c'est une barrière, non. C'est une barrière. Non. Elle affaiblit la personne et l'éloigne des péchés. Fa'in kana yawma sawmi ahadikum, quand c'est le jour où l'un de vous jeûne, alors, falayr, faut qu'ils ne disent pas, les mots déplacés. Non. Voilà, et c'est pas la peine de rentrer dans les altercations et les disputes. Et commence à crier fort. Non. Voilà, il si maintenant quelqu'un, ou bien quelqu'un, lui dit des choses qui ne sont pas bien. Non. Quelqu'un l'injurie, ou bien quelqu'un, veut même s'entretuer avec lui. Hein? Il a dit qu'il dise deux fois Anisa'im. Hein? C'est-à-dire, c'est pour se rappeler, il se dit ça ou bien à lui, hein? Comme quoi, mais il ne faut pas que j'oublie que aujourd'hui je suis en train de jeûner, donc je ne dois pas rentrer dans le jeu de cette personne hein, qui veut que je sorte de ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je me dis à moi-même, je suis saïm. Ou bien, certains savants disent, il dit à la personne, à l'autre qui lui fait des mashakils. Il lui dit, je suis saïm. Ça veut dire, alhamdoulilah, moi, ni saïm, je ne rentre pas dans ces problèmes. Il a dit, ouladi nafsu Muhammadin biyidi, ensuite il a juré par celui qui détient son âme, sallallahu alayhi wa sallam, que la khulu fami saïm atib indallah yawm al-qiyamah min rahmi misk. Que ce qui sort de la bouche comme odeur quand la personne jeûne et qui est peut-être pour nous mauvaise, que cette odeur ou cette chose qui sort est indallah subhanahu wa ta'ala atyib, meilleur que le misk, que le musc. Il a dit wali saim farhatan, et celui qui jeûne il a deux joies. La première, نعم إذا أفطر la première quand il mange فرح بفطره نعم donc il est content نعم parce qu'il a mangé donc الحمد لله il est content parce qu'il a jeûné نعم وإذا لقي ربه فرح بصومه et la deuxième joie c'est quand il va rencontrer Allah سبحانه عز وجل نعم il va voir ce que Allah تعالى donne au jeûneur نعم il sera joyeux بإذن الله تعالى. Le deuxième hadith, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le premier hadith que j'ai cité maintenant tout à l'heure est rapporté par Bukhari et Muslim. Et celui-là que je cite maintenant est aussi rapporté par Bukhari ou Muslim. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne Ramadan, imanen, en mettant dans l'intention que c'est yani, obligé, c'est une obligation, c'est Allah Ta'ala qui l'a obligé. Wahtisaben, en mettant l'intention que c'est yani, y a la sincérité. Je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les gens, pas pour la santé, pas pour ceci, pas pour cela. Non. Alors, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Naam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner naam, tout ce qui a précédé comme péché, comme les péchés qu'il a fait. Naam. Ensuite, un autre hadith, un Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala, anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yasumu abdan yawman fi sabillah, illa ba'ad Allah bidhalika al-yawm wajhahu 'an an-nas 70 kharifan. Apporté par Bukhari ou Muslim. Naam. Il n'y a pas une personne qui jeûne un jour fi sabilillah sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'éloigne son visage du feu naam, d'une distance de 70 années. Kharif, ici le kharif c'est l'automne, mais il veut dire année. Imaginez une distance de 70 années, tu es loin de l'enfer. Donc, vraiment, yani, c'est une grande récompense. Quatrièmement, عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم a dit إن في الجنة أو paradis بابا il y a une porte يقال له الريان qui s'appelle الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. De cette porte rentrera يوم القيامة les jeûneurs et ne rentrera de cette porte que seulement les jeûneurs. يقال on leur dira, on dira, Aina sa'imun, où sont les jeûneurs? Ils vont se lever. La yitroulou, la yitroulou, minou ahadun ghayram. De ce, n'entrera personne, sauf eux, les jeûneurs. Fa'ida khalou, quand ils vont y rentrer, ourlika, la porte va se fermer. Fa'lam yitroulou minou ahad, personne n'y pourra rentrer, sauf eux. Apporté par Bukhari aux musulmans. Aqsam siyam. Maintenant, on va parler de, disons, des sortes du siyam. Siyam, ça se divise en deux. Il y a le siyam obligatoire et il y a le siyam yani, qui n'est pas obligatoire, surérogatoire. Donc, le siyam comme je disais, se divise en deux. L'obligatoire et le surérogatoire. Maintenant, l'obligatoire lui-même, se divise en trois sortes. Première sorte, le siyam qui est obligé en lui-même dans une période déterminée. Et ça, c'est Shah Ramadan. Naam. Et c'est de lui qu'on va parler, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième sorte, le siyam obligatoire, c'est le siyam qui est obligé naam, pour une cause, comme les expiations. Pourquoi tu jeûnes? À cause de, tu as juré de ne pas faire cette chose et tu l'as faite. Donc, c'est un siyam obligatoire lié à une cause. Quant au premier, le ramadan, c'est un siyam obligatoire lié à une période déterminée qui s'appelle Shahr al-Ramadan. Troisième sorte d'obligatoire, c'est ce que la personne elle-même a rendu obligatoire sur elle-même. Ce qu'on appelle siyam al-nadr, c'est-à-dire le vœu. Quand une personne dit par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne par exemple un garçon, alors je jeûnerai par exemple un mois. Donc maintenant, si Allah Ta'ala lui donne un garçon, elle va jeûner un mois, et ça devient obligatoire. Qui l'a rendu obligatoire? C'est la personne elle-même qui l'a rendu obligatoire, par le vœu qu'elle a fait, afwan. Naam. Et c'est pas bien de faire un vœu pareil, entre parenthèses, hein, mais c'est l'une des sortes des siyam, yani qui est obligatoire. طيب maintenant on va parler de صيام رمضان et c'est pour cela يعني c'est sur cela qu'on va insister inshallah ta'ala. Donc صيام رمضان son jugement il est obligatoire pour chaque musulman. Quand on a dit musulman, ça veut dire que le kafir, s'il jeûne, c'est pas, premièrement, c'est pas obligé pour lui. Et deuxièmement, même s'il jeûne, c'est pas accepté. Donc, ça devient obligé pour lui s'il rentre en islam. Donc, c'est pour ça que certains ont dit, non, c'est obligé pour lui. On va dire, comment est-ce obligé? Ils ont dit, c'est obligé en ce sens qu'il doit rentrer en islam et faire le siyam. Donc, deuxième condition, balir, pubère. Tout enfant qui n'est pas pubère, naam, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Aqid, qui a la raison. Toute personne qui a perdu la raison, naam, ce n'est pas obligé de jeûner pour lui. Et même si celui qui a perdu la raison, même s'il veut jeûner, naam, ce n'est pas accepté de lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'intention. Lui qui a raison, il sent qu'il n'a pas d'intention. Non. Juste, je reviens à ce qui a précédé. Quand j'ai dit parmi les conditions, il doit être pubère. Non. J'ai dit que s'il n'est pas pubère, ce n'est pas obligé de lui pour jeûner. C'est-à-dire, s'il ne jeûne pas, celui qui n'est pas pubère, s'il ne jeûne pas, il n'a pas de péché. J'ai oublié de dire que s'il jeûne, par contre, il a des récompenses. Non. Celui qui n'est pas pubère, s'il jeûne, s'il ne jeûne pas, il n'a pas de péché. Ensuite, on a dit aqid, il faut qu'il ait la raison. Cinquièmement, sahih. 1, 2, 3, 4. Quatrièmement, sahih. Il faut que la personne ne soit pas malade d'une maladie qui l'empêcherait de jeûner. Ou bien qu'il l'affaiblirait beaucoup pendant le siyam. Donc, parmi les conditions, il faut que la personne soit sahih, yani, en santé normale, en bonne santé. Et là, c'est bien de répéter une règle que j'ai souvent dite, mais c'est bien. Le fait de répéter, c'est bien de répéter car ça permet d'ancrer la chose dans le cœur. Il faut bien apprendre cette règle. Beaucoup de gens demandent, par rapport à la maladie pendant le ramadan, comment je fais ? Est-ce que je rattrape, je rattrape pas, je jeûne pas, je dis, toute personne qui est malade et le ramadan est arrivé, cette personne, elle est malade d'une maladie qui ne lui permet pas de jeûner, d'accord. Si cette maladie lui permettait de jeûner, elle doit jeûner. Non, il y a des maladies qui, tu peux être malade et en même temps jeûner. Par exemple, je suis malade de mon pied, non. Je viens de faire on vient de m'enlever mon pied ou la macharf, mais la maladie c'est au niveau de mon pied, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis en bonne santé, je peux jeûner, ça n'a rien à voir. Mais il y a des maladies comme celui qui a le diabète, par exemple, s'il est fort, celui qui a, je ne sais pas, il y a des maladies spéciales qui empêchent, par exemple, de jeûner. Non, il y a une deuxième maladie, elle n'est pas maintenant dans ma tête, mais qui empêche de jeûner, si vous pouvez me la rappeler. C'est pas le diabète, c'est autre chose. J'ai oublié. Le muhim, si la personne ne peut pas jeûner, naam, qu'est-ce qu'elle fait? Si la personne est malade, elle ne peut pas jeûner. On voit sa maladie. Est-ce que sa maladie, c'est du genre qui se guérit ou ne se guérit pas? Si la personne n'a pas jeûné à cause d'une maladie, elle doit voir est-ce que sa maladie, c'est du genre qui guérit plus tard ou ne guérit pas. Si c'est du genre qui guérit, elle doit attendre jusqu'à la guérison pour rattraper. Si c'est du genre qui ne guérit pas, comme le diabète, comme le cancer, non, il n'a pas jeûné, dans ce cas, puisque cette maladie ne guérit pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle n'attend pas. Mais elle nourrit pour chaque jour mangé un pauvre. Elle nourrit un pauvre pour chaque jour mangé. Malish, on reviendra, inshallah. Donc, la quatrième condition, la personne doit être apte. Pas apte, non. Cinquième condition, muqim. Muqim, ça veut dire que la personne ne doit pas être en voyage. Si la personne est voyageuse, hein, pendant le voyage, et même arrivée là où elle est, elle a le droit de ne pas jeûner. Non, elle est libre si elle veut jeûner. Et c'est mieux pour elle, comme ça, pour ne pas rattraper plus tard. Mais si elle dit non, Allah Ta'ala m'a donné la permission, je ne jeûne pas, quand je rentre chez moi, je jeûne. Non, comme a fait le prophète al-Islam quand il a fait, c'est parti à la Mecque, non, il est resté à peu près 20 jours, non, en train de manger. C'est le mohim. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Donc la cinquième condition, c'était le fait que la personne soit un résident et non pas en état de voyage. Et le fait de jeûner le ramadan, c'est un pilier parmi les cinq piliers de l'islam. Et ça a été prouvé, c'est un pilier par le Coran, la sunna et le consensus. Le Coran, lorsque Allah Ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu » كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La fin du verset. Min sunna, que je vais citer out de hadith et tout, il y en a beaucoup, que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit بني الإسلام على خمس. L'islam يعني repose sur cinq piliers, cinq choses. Parmi les cinq, il a cité وصوم رمضان. نعم. Dans hadith Jibril très connu, il a dit l'islam an ta'bud Allah wa la tushrik bihi wa tuqim salat wa tu'ti zakat mufruda sum ramadan. Il a dit le ramadan. Donc les savants tous unanimes pour dire que le siyam est un des cinq piliers de l'islam et que toute personne qui le renie, il n'y a pas de siyam devient mécréante. Toute personne qui dit qu'il y a un siyam devient mécréante, sauf bien sûr si c'est une personne, par exemple, nouveau reconvertie, il y a un ou deux jours qu'elle s'est reconvertie, elle ne sait pas qu'il y a le siyam, on dit il y a le siyam, elle dit non, il n'y a pas, on ne m'a pas dit ça. Donc si cette personne c'est une jahila. Mais sinon, après, si la personne renie dit non, il n'y a pas de siyam, donc la personne devient mécréante. Nam. Et ce siyam de Ramadan, il a beaucoup de fada'il. On va citer quelques bienfaits de ce siyam de Ramadan. Naam. Le prophète alayhi sallam a dit, d'après Abi Huraira, dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, il a dit, quand le mois du Ramadan rentre, il a dakhala shahr Ramadan, futihat abwaabu sama. Les portes du ciel vont s'ouvrir. Donc, les portes du ciel s'ouvrent. Donc on apprend par cela que le ciel a des portes. Le ciel n'a pas seulement une porte, mais des portes. Et que ces portes ont des moments dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes, ordonne d'ouvrir ses portes. Parmi ces moments, ce hadith a dit que si le Ramadan, le mois du Ramadan rentre. Donc quand le mois du Ramadan rentre, les portes du ciel s'ouvrent. وغلقت أبواب جهنم. Et les portes de l'enfer se referment. Donc on apprend par ce hadith que l'enfer a des portes. Et comme vous devez tous le savoir, l'enfer a sept portes. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, laha sab'atu abwab. Laha sab'atu abwab. Il a dit elle a sept portes. Quant au paradis, il a combien de portes? Il a huit portes. L'enfer a sept portes. Le paradis a huit portes. De cela aussi, les savants ont tiré une faïda. Ils ont dit, c'est prouvé que la rahma d'Allah Ta'ala, sa miséricorde, est plus grande que sa colère. La miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère. La preuve, pour le paradis, huit portes, pour l'enfer, non sept portes. Alhamdulillah. Tayyib. Donc, quand le mois du Ramadan rentre, les portes du ciel s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. وَسُلْسِلَتْ شَيَاطِينَ. Et les shayatin sont yani, on leur met des comment ça s'appelle, des chaînes. les chayatines de sont enchaînées, voilà. Et ce qu'il faut comprendre ici par les chayatines qui s'enchaînent, ce sont les grands chefs des chayatines, pas tous les chayatines, à cause d'une version rapportée par Nasa'i, Cheikh Al-Albani a dit authentique, où le prophète alayhi sallam a dit « Wa tughallu fihi maradatu shayatin » Il a dit « Et deviennent enchaînés les gourous des chayatins, pas tous les chayatins. » Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, beaucoup de gens disent comment. Pendant le ramadan, yani le hadith dit que les chayatins sont enchaînés alors que telle et telle personne a été touchée par le shaytan. Surtout le 27. Comment ça? Donc le hadith yani, n'est pas vrai. Si, le hadith est authentique et il a dit que ce sont les grands chefs qui sont enchaînés. Les autres, ils sont tous en liberté. Et c'est pour ça qu'ils touchent les gens, ils frappent les gens, même pendant le ramadan. Que Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, un autre hadith qui est bien fait du ramadan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salawat al-khams » les cinq prières. Et du vendredi au vendredi. Et du ramadan au ramadan, Mukaffirat lima baynana, ça expie les péchés qu'il y a entre eux. Idaj sunibat al kaba'ir, si on s'éloigne des grands péchés. Donc, quand quelqu'un prie par exemple Sobh, ensuite il va prier Dhar, tout ce qu'il a fait comme péché entre Salat al-Sobh et Salat al-Dhar va être annulé et expié bi'idhnillahi ta'ala, sauf les grands péchés. Quand quelqu'un fait le Jumu'ah, jusqu'à l'autre Jumu'ah, une semaine, tous les péchés qu'il fait entre eux vont être annulés. S'il s'est éloigné des grands péchés. Quand il jeûne le ramadan, ensuite, c'est l'autre ramadan, ce qu'il y a entre eux, entre les deux, comme petits péchés, ça va être annulé, sauf les grands péchés qui ont besoin de quoi? Du repentir sincère, qui a besoin de trois grandes conditions. Naam. La première de s'arrêter, la deuxième de regretter, naam, de ne pas le faire, et la troisième, d'abord dans l'intention de ne plus le refaire. Trois grandes conditions. Il y en a qui en mettent cinq. Ils ajoutent la quatrième, ils disent il faut que tout cela soit fait pour Allah. Et cinquième condition, il faut que ça soit fait au moment où c'est accepté. Ce n'est pas lorsque, par exemple, on est dans l'agonie. Ou bien ce n'est pas lorsque yani, c'est la fin du monde et que le soleil s'est levé du couchant et que maintenant le Messie Dajjal est avec nous. Non. Bien. Tayyib. Et parmi les bienfaits du ramadan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que pendant ce mois, il y a les 10 dernières nuits. Et parmi les 10 dernières nuits, il y a aussi la nuit du destin. Donc, ça rentre dans les bienfaits du ramadan. Ça y est. Ramadan. Maintenant, on est Sha'ban. Comment et par quoi se fait la rentrée du ramadan? Comment on sait que maintenant, par exemple, c'est le ramadan? Il y a deux solutions, disons, deux manières. La première, une antenne et pas très sur 30 jours pendant Sha'ban, le lendemain, c'est obligé que ça soit le ramadan. C'est pas possible que ça soit un autre mois, même, et ou alors que ça soit Sha'ban. Car Sha'ban et tous les mois ne peuvent dépasser 30 jours. Premièrement, on va parler par rapport à la vision de la lune. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ » Quiconque a vu de vous la lune, ou plutôt le mois, alors qu'il jeûne. « عَنْ عَبْدِلَّهِ بْنِ عُمَرْ » Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit que le prophète, alayhi salam, a dit « Ida ra'aytumu fasumu » Si vous le voyez, quand il dit ici le, vous le voyez le ici, c'est le qamar. Et en arabe, le qamar c'est masculin, donc il parle de la lune. Donc si on va parler au français, on va dire la. Si vous la voyez, jeûnez. Ou alors peut-être qu'il parle du char, du mois. Si vous le voyez, alors jeûnez. Et si vous le voyez, mangez. C'est-à-dire la lune de l'Aïd. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Si maintenant, il y a des nuages, par exemple, vous ne pouvez pas voir la lune, فَقْدُرُوا لَهُ Alors faites, yani, le calcul que vous devez faire 30 jours, et le lendemain, c'est yani, le ramadan. وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم Et d'après Abu Huraya, toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, الشهر 29 ليلة C'est-à-dire le mois, c'est 29 jours, ne jeûnez pas, faites la tasoum jusqu'à ce que vous le voyez. Fait une rumma alaykoum, s'il y a des nuages, alors akmilou l'idda tatin, alors terminez l'idda 30 jours, et ainsi vous êtes, c'est obligé que le lendemain ça soit l'aïd, afin que ça soit le ramadan. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce n'est pas permis en islam de jeûner ou alors de dire que c'est le ramadan en se basant sur des calculs. Comme il y a maintenant des calendriers qui te disent par exemple que le ramadan de la prochaine année, par exemple 2019, c'est tel jour et tel mois, etc. Tout ceci n'est pas vrai. Non. Mais on ne doit se baser que sur la vision de la lune, ou bien sur, comme on l'a dit tout à l'heure, on jeûne 30 jours de Sha'ban, si on ne peut pas voir la lune. Il n'y a que ces deux moyens. Tout autre moyen, Naam, n'est pas vrai, Naam, et n'est pas accepté par la charia. Bien sûr, c'est permis, pour voir la lune par exemple, d'employer, des instruments, par exemple, qui ont des instruments qui ont rapport avec la vision, comme, j'ai oublié comment ça s'appelle, ça, donc, des choses comme ça, géantes, avec lesquelles on peut voir la lune. Comment ça s'appelle? Quelque chose comme ça qu'on voit. Télescope, Baraklof, avec des télescopes géants. Il y en a même des géants, tu peux voir la lune comme si elle était devant toi. Là. Mais ce qui n'est pas permis, c'est de faire des calculs, et de dire que voilà un calendrier pour le prochain ramadan et celui qui va en suivre. Non. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, les savants sont unanimes et ont fait le consensus, ijma, que c'est comme ça qu'il faut se baser pour voir la lune. Et que ça a été toujours comme ça, jusqu'à ce que certains Mutafaqiha, Naam, il a dit Ba'd al-mi'a après 300 ans, Naam, qu'on dit que c'est permis de se baser sur les calculs. Il a dit alors que le consensus va à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Et que ça n'existait pas pendant les Sahaba, ni pendant les Tabi'in, ni pendant les Tabi'in. Mais 300 ans après, ils ont inventé ça, a dit Cheikh d'Islam, dans Majmou' al-Fatawa, tome 25, page 113, 132, 146. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc maintenant, on a dit que pour jeûner, qu'est-ce qu'il faut? L'une des deux choses, ou bien voir la lune, ou bien jeûner 30 jours de Sha'ban. Taïb, maintenant, par rapport à voir la lune, Idara a wahidun adlun, naam. Wahid al-adl, kana mimman, yuthaqu bi ru'yatihi, wajaba idhan inda, kulli al-ulama, naam, ou inda aktarihim, inda aktarihim afdal, al-sawm. Comment cela? Si une personne voit la lune du ramadan et que cette personne est une personne digne de confiance, fiable, remplit les conditions, qu'elle peut témoigner. Et quand je dis fiable et digne de confiance, adl, ça veut dire que ça soit une personne qui est loin des grands péchés. Ne fait pas la zina, ne boit pas d'alcool, non, ne joue pas à la loterie, prie à l'heure, femme, prie à l'heure, fait sa zakat, yani, ne boit pas d'alcool, ne vole pas, ne ment pas, non, et en même temps, qui est loin de tous les petits péchés, yani, qui yani, disons, qui sont pas bien. Car ça s'appelle en arabe l'khissa, les petits péchés l'khissa. Les petits péchés l'khissa. Bon, je donne un exemple. Taïeb, une femme va passer, je vais jeter un coup d'œil, je vais la voir comme ça. Ça, c'est un petit péché. Mais mes petits péchés l'khissa, qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre dans un magasin, quand le sahib, le magasin, il ne me voit pas, je prends vite une date. Une date, je la mets dans ma poche. C'est un grand péché ou un petit péché? Un petit péché. Je n'ai pas volé, nani, jusqu'à ce qu'on me coupe ma main. Mais ce que j'ai volé, c'est un petit péché. Ce que j'ai fait, c'est un petit péché. Mais ça rentre dans les petits péchés khissa, yani, qui sont un mauvais adab. El Mohim. Donc, si une personne qui remplit les conditions a vu la lune, la plupart des savants disent que on doit accepter ce qu'a dit cette personne et on doit jeûner. Contrairement à l'imam Malik, l'Auza'i et Thawri, qui ont dit que non, il faudrait que ça soit deux témoins, pas un seul. Je répète, si quelqu'un, une seule personne, a vu la lune du Ramadan et que cette personne remplit les conditions, la plupart des savants ont dit on doit jeûner et accepter le témoignage de cette personne. Sauf que d'autres savants comme l'imam Malik ou l'Auza'i ou l'Thawri et Shafi'i dans une de ses versions a dit que non, il faut deux témoins, pas un seul. Non. Et yani, ce qui est plus fort, c'est l'avis de la plupart des savants que yani, un seul témoin suffit. Quel est le dalil? Le dalil, c'est deux choses. La première, le hadith authentique rapporté par Abu Daoud et d'autres, et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Abi Daoud, sous le numéro 2342, que Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit, les gens se sont mis à essayer de voir la lune, pendant la année, pour celle du Ramadan, il a dit, je l'ai vu, fara'aytuhu. Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Fa'sama, il a jeûné. Et il a ordonné aux gens de jeûner. Donc c'est un hadith très clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris par rapport à la vision de la lune du Ramadan par le témoignage d'une personne fiable qui est Abdullah ibn Omar. Ça c'est le premier dalil. Et le deuxième dalil, c'est un dalil de la raison. Nous, ou alors un sunnah ou jama'a, quand un hadith leur parvient, même s'il est dans la aqida et qu'il vient d'une façon ahad, il ne vient pas mutawatir, ils disent qu'on prend de ce hadith, même s'il n'est pas mutawatir, contrairement au jour de la bida. Alors si dans la aqida on prend yani de hadith ahad, pourquoi on ne prendrait pas yani par rapport au Ramadan? Autre chose ici qui est importante aussi, hein? Quand on a dit que la vie le plus fort, et on a cité le hadith de Abdullah ibn Omar qui a vu la lune, et que le prophète a demandé aux gens de jeûner, ordonné aux gens de jeûner. D'ailleurs, maintenant cette personne, est-ce que c'est obligé que ce soit un homme ou bien si une femme, c'est permis. Inch'Allah ta'ala, l'avis le plus fort, que même si c'est une femme. Et c'est l'avis du Madhab Hanbali. Naam. Et c'est aussi l'avis de Ibn Hazm dans le Muhalla. Ils ont dit que l'essentiel, que la personne soit fiable, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, mais que cette personne doit remplir les conditions. Taïb. Ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Maintenant, je pose la question aux admins pour voir s'ils sont en train de suivre. Tout ça, on est en train de parler par rapport à quoi? La vision de quoi? De la lune de quoi? De l'entrée du mois du Ramadan, Ballah au fait. De l'entrée du mois du Ramadan. Pourquoi j'ai demandé cela? Pour que ça on s'embrouille pas. Parce que maintenant, on va parler de la vision de l'entrée du mois de Shawwal. Maintenant, vous savez, maintenant, alhamdoulilah, un homme ou une femme a vu la lune et a dit au juge. Et le juge a ordonné que les gens de cette ville leur a ordonné de jeûner. On va jeûner, alhamdoulilah. Maintenant, on a jeûné 29 jours, et on ne sait pas demain c'est l'Aïd, c'est pas l'Aïd, c'est Shawwal, c'est pas Shawwal. On a besoin aussi de quoi? D'une vision. Une vision de quoi? De la lune. Alors, comment qu'on va faire? Eh bien, on va dire, alhamdoulilah, on va faire comme dans le premier cas. Si une personne voit la lune, ça suffit, on va jeûner. On va dire non. Justement, non. Les savants sont unanimes pour dire que par rapport à la vision de la lune du début de Shawwal, que le témoignage d'une personne fiable ne suffit pas et qu'il faudrait deux témoins. Subhanallah la reine. Et Yanni, un deuxième avis qui dit non, une seule suffit, une seule personne, et c'est l'avis de Ibn Hazm et Shawkani. Mais l'avis le plus fort, c'est qu'il faudrait deux témoins, et pas un seul témoin, pour la vision de Shawwal, contrairement à la vision du Ramadan, qui n'a besoin que d'un seul témoin. Si quelqu'un va dire maintenant c'est quoi le dédil, il nous faut un dédil pour dire qu'il faut deux maintenant, et qu'un seul ne suffit pas. On va dire d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique par rapport au Ramadan, il a dit soumou li ru'yati, soumou, jeûnez, quand vous voyez la lune du Ramadan. Wa aftiru, et mangez quand vous voyez la lune, c'est-à-dire de Shawwal. Wa amsikula, fa in ghumma alaykum, si jamais il y a des nuages, fa akmilu 30, donc faudrait jeûner 30 jours. Ensuite, il a dit, et voilà le témoin du cours, il a dit, فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَانِي فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Écoutez bien ce qu'il a dit, alayhi sallam. Si deux témoins témoignent, alors jeûnez et mangez. Authentifié par Cheikh Al-Albani dans l'Irwa, numéro 909. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi sallam? Il a dit, si jamais deux témoins témoignent, alors quoi? Alors, jeûner et manger. Ils ont dit, alors regardez bien pour manger, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si deux témoins témoignent. Alors, les autres leur ont dit, mais il a dit aussi pour... Alors, ils ont dit, les gens ici ont dit, regardez, pour manger, non, pour manger ou aftero, il a dit quoi? Si deux témoins témoignent. Donc, il faut deux témoins pour manger. Les autres leur ont dit, mais il a dit aussi avant ça, son mot, jeûner si deux témoignent. Donc, aussi pour jeûner, donc on doit, yani, deux témoins. Et, pour répondre à cette question, inshallah, pour répondre à cette, ça peut donner ici une choubha, je vais dire, inshallah ta'ala, que je vais prier l'Isha, et quand je reviens, inshallah ta'ala, je vous donnerai la réponse. ça vous permettra un peu, hein, Annie, de réfléchir un peu. Quand je reviendrai, je vous poserai la question, Annie. Comment se fait-il que le hadith a dit ici, Annie, si deux témoins témoignent pour jeûner et manger, alors faites-le. Alors que nous, on a fait la différence, on a dit, si pour la vision du Ramadan, un témoin suffit, si c'est pour la vision de Shawwal, il faut deux témoins. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك récupérer la question, commencer à récupérer les questions pour le siyam qui ont rapport avec le siyam inchallah. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin. Avant de partir, j'avais posé une question. Naam. Yani qui pouvait donner un peu yani d'amalgame par rapport à la vision du char Ramadan et par rapport à la vision du char Shawwal. Que pour Shawwal, il fallait deux témoins et pour Ramadan, un seul suffisait. Alors que le hadith a dit, si deux témoins témoignent, deux, alors manger, alors jeûner et manger. Pourquoi donc nous on a fait la différence? Tayyib, Habib, tu peux essayer, Fadlan, essaye de prendre le micro, Inch'Allah. S'il y a un frère qui veut essayer, il veut prendre le micro, il te fadal. S'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, qui peut prendre le micro, qui nous avertisse, on lui enlève le raid, les admins lui enlèvent le raid. Tayyib, Habib 92, fadal. Habib, je crois que la question Allah Ta'ala Alam, tu ne l'as pas bien comprise. Moi, je voulais dire, yani, comment joindre entre les deux hadiths, yani, avec les hadiths, par rapport aux hadiths, comment on joint avec eux. Naam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse, il lève la main. Donc si Omar a la réponse, qu'elle décrive. Enlevez-lui le raid. C'est pas ça la réponse. Non. Et il me semble aussi que peut-être aussi ma question n'a été pas bien comprise. Je vais voir. Oum Ismaël écrit. Naam, je profite pour répéter la question pour ceux qui n'ont pas compris. Chauffe. Le prophète, nous, on a vu que la plupart des savants, et c'était l'avis le plus fort, que pour, yani, par rapport à la vision de la lune du Ramadan, un seul témoin suffit. Et on a cité le hadith de Abdullah ibn Omar, qui a vu la lune du Ramadan, il a dit au prophète, je l'ai vu, il a dit, jeûner, il a ordonné aux gens de jeûner. Une seule personne a suffi, ça. Maintenant, pour yani, la fin du Ramadan, pour la lune de Shawwal, on a dit que les savants sont unanimes pour dire qu'un seul ne suffit pas, il faut deux. Et ils ont cité le hadith qui dit, le prophète alayhi sallam a dit, « Fa'in shahida shahidan » si deux témoins ont témoigné, alors jeûner et manger. Donc, ce hadith demande deux témoins pour la vision de son mot pour le Ramadan et deux témoins pour la vision de Shawwal. Comment, yani, répondre, comment, alors, Yani, tout à l'heure, on a dit que pour la vision de Shawwal, du Ramadan, un seul témoin suffisait. Si quelqu'un va nous citer ce hadith, on va dire, mais ce hadith a dit, si deux témoins témoignent, deux, pourquoi vous êtes suffis à un seul? Comment qu'on fait? Comment qu'on répond? Une personne dit des deux témoins sont utiles pour ne pas rater des jours de jeûne obligatoire. Naam, ça c'est la hikma, c'est la sagesse. Mais nous on parle comment, yani, comment joindre entre ces deux hadiths. Naam. Donc le problème c'est comment joindre entre les deux hadiths. Ce n'est pas quelle est la hikma et la sagesse, pourquoi il a demandé deux pour Shawwal. Une personne a dit, une personne suffit, mais deux est meilleur. Je dis non. Une personne ne suffit pas, il faut deux pour la vision de Shawwal. Ce n'est pas meilleur, c'est une obligation. Donc on a deux réponses, on attend deux réponses, sinon on ne va pas s'attarder, on continue, inshallah ta'ala. Aïe, on attend les deux réponses, c'est quoi inshallah ta'ala? Cette première réponse n'est pas loin de la vérité. J'attends la deuxième réponse. Non, cette première réponse est très proche. Contact sœur, c'est quoi sa réponse? Allez, je vais vous donner la réponse, Allah Ta'ala, pour pouvoir avancer, Inch'Allah Ta'ala. Donc je répète, le hadith, non, j'ai eu des fitnes, ça c'est la sagesse, c'est pas le fait comment grouper. Non, le premier hadith est clair que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la vision du Ramadan, a permis un seul témoin, le hadith d'Abdullah ibn Omar, il a dit j'ai vu la lune, il a dit donc, il a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. Le deuxième hadith, qui dit qu'il faut deux témoins pour manger. Donc c'est la lune de Shawwal. Deux témoins pour jeûner, la lune, et deux témoins pour la lune du Ramadan pour jeûner. Deux témoins. On dit, naam, on se bat sur ce hadith. Ce hadith a dit deux témoins pour le Ramadan, deux témoins pour l'Aïd, pour Shawwal. D'accord. Pour le Ramadan, qui dit deux témoins, on va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, a réduit le nombre de deux à un pour le Ramadan. Normalement c'est deux, mais il a donné la permission pour un. Il a dit un c'est possible d'après le hadith d'Abdullah ibn Omar. Et pour la lune de Shawwal, il n'a pas réduit, il n'a donné aucune permission. Donc on reste sur la base que c'est deux témoins. Donc conclusion, pour le témoin, à point, pour la lune du Ramadan, un seul témoin suffit, et pour la lune de Shawwal, il faut toujours deux témoins, Inch'Allah Ta'ala. Voici la réponse. Maintenant, si une personne a vu l'Hilal, que c'est demain, par exemple Ramadan, et que cette personne va chez le juge pour l'informer, et que le juge n'accepte pas, il dit par exemple que toi tu ne remplis pas les conditions, ou quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne, Yanni, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va jeûner ou ne va pas jeûner? C'est sûr que si elle va dire aux autres qu'on ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle ne remplit pas les conditions. Elle n'est pas peut-être digne de confiance. C'est une personne, par exemple, c'est un homme et en même temps il porte une bague en or. Le fait de porter une bague en or, ça le fait sortir, c'est un grand péché. Ça le fait sortir de la confiance et de l'adela. Mais cette personne a vu maintenant la lune. Est-ce qu'elle jeûne ou elle ne jeûne pas? Si elle le fait, elle le fait. Elle jeûne devant tout le monde ou en cachette? Les savants ont trois avis, ou quatre. Non. Voilà. Le premier avis, que s'il a vu la lune, que ce soit pour le ramadan, ou que ce soit pour Shawwal l'Aïd, non, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il assomme, non, et il mange le jour de l'Aïd, tout seul et en cachette. Tout seul et en cachette. Et c'est le madhab de l'imam Shafi'i, une version de l'imam Ahmed, et c'est le madhab de Ibn Hazm. Non. Ils ont cité le verset. Famine shahida minkum ash-shahr falyasumhu. Quiconque a vu de vous le mois, qu'il jeûne. Alors celui-là, il l'a vu, pourquoi il ne va pas jeûner? Il a vu le mois de Shawwal, pourquoi il ne va pas manger? Ils ont dit, mais à condition qu'il ne fasse pas ça devant tout le monde, pour que les gens ne le voient pas en train de manger alors que eux ils sont en train de jeûner. Non. Ou alors qu'il est en train de jeûner alors que les gens sont en train de manger. Ça, c'est le premier avis. Mais ça fait aussi des fitnas. Ça, c'est le premier avis. Il fait quoi? Il fait ça entre lui et son nefs. Deuxième avis. S'il voit la lune du ramadan, non, il jeûne. Mais s'il voit la lune de Shawwal de l'Aïd, non, tout seul, il ne mange pas. Mais il mange quand les gens mangeront. Et c'est l'avis de Abu Hanifa et l'imam Malik. Et c'est l'avis répondu de l'imam Ahmed. Et cet avis l'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Donc c'est quoi cet avis? Que dit cet avis? Cet avis dit, par rapport au siyam, il jeûne. Mais par rapport au manger, quand c'est la lune de l'Aïd, il ne mange pas s'il l'a vu, et s'il l'a vu tout seul, et les gens n'ont pas accepté sa parole. Il continue à jeûner. Non. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc, pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen a choisi cet avis? Il a dit, par prudence, on a été prudent, alhamdoulilah, dans les deux cas. On a été prudent, dit Cheikh Ibn Uthaymeen, par rapport au siyam et par rapport au manger. Par rapport au siyam, on lui a dit jeûne, tu as vu la lune, jeûne. Par rapport au manger, on a été prudent, on lui a dit ne mange pas. Il a dit voilà, c'est quelque chose de fort, alhamdoulilah. Et troisième avis, nam, l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nam, qui a dit quoi? Il a dit, cette personne qui a vu tout seul ne prend pas de son avis. Non. Mais doit jeûner avec les gens et manger avec les gens. Il a cité un hadith authentique. Soumoukoum yomata soumoun. Votre jeûne, c'est quand vous jeûnez, c'est-à-dire quand les gens jeûnent. Fitroukoum yomata fitroun. Votre manger, quand les gens mangent. Wa adhakoum. Et votre égorgement, c'est quand les gens égorgent. Donc, il a dit, ça veut dire que le fait de manger, de jeûner, et même d'égorger, on doit toujours suivre quoi? Suivre les gens. Donc, je résume, par rapport à la personne qui a vu toute seule, soit la lune du ramadan, soit la lune de Shawwal. Il y a trois avis. Premier avis a dit que, yani, s'il a vu ta Ramadan, il jeûne, et quand il voit celle de l'Aïd, il mange. Deuxième avis, qui en fait c'est le troisième, mais je vais le mettre le deuxième, pour dire que c'est le contraire du premier. Il a dit, ni tu manges, ni tu jeûnes quand tu vois tout seul la lune. Si tu l'as vu tout seul, ni tu jeûnes, ni tu manges. Ni tu manges, c'est-à-dire quand tu vois celle de l'Aïd. Non, ça c'est deuxième avis. Il a dit, tu jeûnes quand les gens jeûne, tu manges quand les gens mangent. Et troisième avis, ça c'est l'avis du Cheikh l'Islam. Troisième avis, celui de Cheikh Ben Outaymin, rahmallahu ta'ala, il a dit, naam, par rapport au siyam, il y a som. Par rapport au jeûne, on lui dit jeûner. Assalamu alaikum. J'ai pas compris la phrase, on allait voir l'avis de Cheikh Ben Outaymin et déco. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? J'ai pas compris. Surtout aider quoi aller. Ah, d'accord, déconnexion, saha. D'accord, déconnexion, saha. Bon, je disais, si vous vous rappelez le début du cours, d'ailleurs, pour que je sois sûr que vous vous rappeliez, je vais vous poser la question. On a dit que pour jeûner, il faut deux choses. Ou bien la vision de la lune, ou bien une deuxième chose. C'est quoi la deuxième chose? 30 jours. Jeûner 30 jours. Ce qu'on appelle en arabe, Ikmed al-Idda. Voilà, terminer le délai. Ikmed al-Idda. Compléter 30 jours. Saha. Donc on a terminé avec la vision. Et tout ce qui a rapport avec la vision, s'il faut une personne, s'il faut deux, si la personne on l'accepte pas d'elle, qu'est-ce qu'on fait, etc. Maintenant, on va passer à terminer, compléter les 30 jours. Pourquoi il faut compléter les 30 jours? Parce que le char, le mois en arabe, n'est jamais moins l'âme de 29 jours et jamais ne dépasse 30 jours. C'est pas comme calendrier chrétien. Des fois c'est 31, des fois c'est 30, et ça peut descendre jusqu'à 28. Calendrier musulman, il n'y a pas 28. Et il n'y a pas 31. Il y a 29 ou 30. Ça y est. Maintenant, si on est au 20e jour, on ne sait pas demain si c'est Ramadan, ou alors on doit compléter le 30e jour. Et on n'a pas vu la lune. Ou alors, il y avait de gros nuages. Ou alors une grande poussière. Une tempête de sable. On ne peut pas voir. Qu'est-ce qu'on fait? On a une deuxième solution. L'islam te donne toujours une solution. La deuxième, c'est quoi? C'est de jeûner encore demain. Comme ça, on va compléter 30 jours. On va dire que ce mois est de 30 jours. Et après demain, c'est obligatoire que ça soit quoi? Que ça soit Yom Laid. La fois de Yom Laid, ce soit le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib. Maintenant, on va voir une chose. Maintenant, passer à la question, ou plutôt la chose importante, c'est est-ce que on jeûne chacun avec son pays, ou bien si un pays musulman jeûne, tous les autres pays doivent jeûner. Non. Est-ce que chacun jeûne avec son pays? Ou alors, est-ce que si un pays musulman jeûne, tous les autres doivent jeûner? On va dire, cette mas'ala contient deux avis, yani très connus. Et ces deux avis, Inch'Allah Ta'ala, on va les laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Car il est déjà 22h et on n'a encore répondu à aucune question. Et on profite, Inch'Allah Ta'ala, donc, de passer aux questions-réponses. Si vous êtes prêts, tfadal, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question. Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, tout d'abord, jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum shaykhana pour ce cours. Avant de débuter les questions-réponses, il y a Mahmoud qui m'a envoyé un message afin que je puisse le lire. Donc, je le lis. Par la grâce d'Allah, avec l'approbation de notre cher Chalabi, hafizahullah, des personnes se sont proposées pour reprendre la relève du site questions-réponses Chalabi. Ce n'est qu'un début, le site se remplira de plus en plus avec le temps, inshallah. Vous pouvez les retrouver sur ces réseaux sociaux, donc d'abord le site www.qrchalabi.com, la chaîne YouTube QR Chelabi, Telegram, Twitter également QR Chelabi, et le mail chelabi.qr@gmail.com. Donc voilà, je vais mettre le message également sur Paltalk, Inch'Allah. Donc concernant la première question, question d'une sœur. Le 29 Sha'ban, au soir, il y a une observation de la lune pour connaître la date d'entrée du Ramadan. Si le ciel n'est pas dégagé ce soir-là, l'observation ne peut être faite. De ce fait, nous rajoutons un jour au mois de Sha'ban. Mais si en réalité la pleine lune était le 29 au lieu du 30, cela voudrait-il dire que les nuits paires et impaires se sont interverties? Exemple, on pense être dans la nuit du 27 alors que c'est la nuit du 28. Dans ce cas, sommes-nous plus susceptibles de rater la nuit du destin? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, il y a une grande divergence parmi les savants par rapport à la nuit du destin. Même si l'avis peut-être le plus fort, c'est le 27. La nuit du 27. Au point, tellement de divergence par rapport à cette nuit, au point où certains ont dit, c'est pendant tout le mois du Ramadan, du premier jour jusqu'au 30e. Du premier, alors que les autres tous disent du 20 au 30. C'est pour dire qu'il y a une grande divergence. Je vous étonnerai peut-être si je vais vous dire que certains, même certains sahaba, comme Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, disaient que la nuit du destin se trouve dans tous les mois, les 12 mois. Donc, chauffe, c'est pas yani, la divergence est vraiment grande entre les savants. Un moyen, ce que je veux dire, quand les gens croient qu'on est le 27, ensuite il y a des nuages, alors qu'on est le 28, ou il y a le contraire, Allah, rien ne change à la nuit du destin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que ces gens-là, il y a eu un empêchement par rapport à eux de voir la lune. Ils ont fait des efforts dans leur din. Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer de la meilleure façon. Il va faire de sorte que toute personne qui a eu la nuit, il y a vraiment gagné de rencontrer de la nuit, que Inch'Allah ta'ala, elle la rencontrera, et Allah ta'ala lui donnera les récompenses qu'il faut. Parce qu'elle a fait des efforts dans le din, et ce qui est arrivé, ce n'est pas de sa faute, bi'idnillah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Sheikh. Donc, deuxième question. Outre le fait d'appliquer la sunnah en disant à celui qui nous pose problème, inni sa'im, je jeûne, je ne vois pas ce qui empêcherait cette personne de continuer à m'ennuyer. Est-ce seulement pour moi, pour me rappeler à moi seul que je jeûne et que je ne répondrai pas à ses provocations? Exemple, si une personne est sur le point de me frapper, je lui dis « je jeûne ». Je ne suis pas convaincu qu'elle dira « excuse-moi ». Quelle est donc la fa'ida dans tout cela? Jazakumullahu khaira. La fa'ida dans tout cela se trouve dans l'avis qui dit que « je jeûne » est dite pour la personne elle-même, pas pour l'autre, pas pour celui qui fait les problèmes. Donc, ceux qui ont dit qu'ils disent « je jeûne », qu'ils disent ça, c'est-à-dire entre ses lèvres, c'est tout par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il se fasse rappeler « attention, tu es aujourd'hui dans une grande adoration, ne rentre pas dans les meshekils, et tu vas peut-être annuler cette adoration. Peut-être tu vas faire des choses ou dire des mots alors qui peut-être vont annuler cette chose. Alors rappelle-toi et dis-toi, donc je ne rentre pas dans ces problèmes, je dis salam alaikum et je pars. Naam. C'est là que se trouve, inshallah ta'ala, cette fa'ida bi'idnillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan shaykhana. Donc troisième question. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا لعلكم بخير إن شاء الله وحفظكم الله. J'ai rendez-vous chez le dentiste un jour de Ramadan pour me faire arracher une dent. Que dois-je faire? Continuer à jeûner? J'ouvre une parenthèse afin de savoir si le fait d'aller chez le dentiste pour diverses raisons annuler le jeûne. Tafadhal Cheikh. Aller chez le dentiste pendant le Ramadan n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne, car la personne qui va chez le dentiste n'a pas dans l'intention d'aller chez le dentiste pour boire le sang, pour boire son sang. Car quand il va enlever la dent, il y a un peu de sang qui va couler. Donc on ne connaît pas une personne qui dit, moi je vais chez le dentiste comme ça, quand il y a du sang qui coule, je vais le boire, car j'ai soif. Il n'y a aucune personne dans le monde qui raisonne et qui pense comme ça. Donc, quand la personne va chez le dentiste, il n'y a aucun problème. Elle enlève sa dent, ensuite elle crache le sang, ensuite elle lave sa bouche et crache, nam. Ensuite elle met un petit coton sur sa dent, et à chaque fois qu'elle sent quelque chose, elle crache. À chaque fois qu'elle sent quelque chose, elle crache. Ensuite, là, elle n'a plus envie de cracher et continue à jeûner. Si jamais, sans le vouloir, il y a quelque chose qui rentre dans son gosier, que ce soit du sang ou que ce soit quand elle se lave la dent, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'elle ne l'a pas fait exprès. Et on va voir très prochainement dans les annulatifs du Ramadan ou du Siyam, que parmi les annulatifs, c'est le fait d'ingurgiter exprès quelque chose. Mais quand je ne le fais pas sciemment, je ne le fais pas exprès, ça rentre tout seul, nam, avec la contrainte ou bien l'oubli, nam, ça n'annule pas. Donc tous ceux et toutes celles qui veulent enlever leurs dents, nam, et que ça arrive, ça tombe pendant le Ramadan, il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Tfaddal. Jazakumullahu khayran, cheikh. Quatrième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh, les admins et à tous ceux qui écoutent. Pourquoi n'est-ce pas bien de faire un vœu pieux sur le jeûne? L'exemple que vous avez donné sur celui qui promet s'il a un garçon de jeûner. Jazakumullahu khayra. Non, tout à l'heure quand j'ai donné cet exemple, j'ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire pourquoi cela. Non, c'est vrai. Et je vais répondre, inshallah ta'ala. Et c'est bien comme ça de bien y aller surveiller pour apprendre. C'est pas surveiller pour trouver les fautes à quelqu'un pour dire, oh moi, alhamdoulilah, je sais trouver les fautes. Non. Donc cette personne qui a posé cette question, je lui dis, c'est bien d'avoir posé une question pareille, non, pour comprendre c'est quoi, yani, la sagesse, si ce que j'ai dit est vrai, ou bien pour corriger si ce que j'ai dit est faux. Yani, peut-être j'ai dit une chose sans faire yani, exprès. Les savants dit le, comment ça s'appelle, nadr, c'est-à-dire le fait de faire un vœu pieux, nadr, à la base, il est ou bien haram, ou bien makruh. C'est pas quelque chose de bien. Le prophète, alayhi sallam, a dit dans un hadith authentique que, voilà, interdit ou détestable. Il a dit, Nama yukharaju bihi min al-bakhil. Il a dit, le nadr, le vœu pieux, c'est fait pour la personne qui est avare. C'est-à-dire, elle ne donne jamais une chose, ou ne fait jamais une chose, sauf si en contrepartie, Allah Ta'ala lui donne ce qu'elle veut. Donc ici, la personne, qu'est-ce qu'il dit? Si Allah Ta'ala me donne un garçon, je vais jeûner 15 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il ne me donne pas un garçon, je ne jeûne pas. Alors qu'un pieux dirait, Ya Allah, j'ai envie de jeûner 15 jours, fils abidik, sans demander ni un garçon, ni autre chose. Vous avez compris? En ce sens, il est détestable de dire, Ya Allah, si je réussis au bac, je vais jeûner une semaine. Ça veut dire, s'il y a l'échec, je ne jeûne pas. Ça veut dire, moi, je jeûne en contrepartie. Si tu me donnes, Ya Allah, je fais. Tu ne me donnes pas, je m'abstiens. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. En ce sens, le vœu pieux est interdit ou bien détestable. Naam. Sauf si la personne ne le fait pas en contrepartie. Ça s'appelle nadr al-mutlaq. Ne le fait pas en contrepartie. Il dit par exemple comme ça, Ya Allah, nadrtu an asuma laka an asuma shahran. Ya Allah, j'ai fait le vœu pieux de jeûner pour ton visage un mois. Il a dit comme ça, il n'a pas dit en contrepartie. Si tu me donnes cette chose, je jeûne. Sans contrepartie, Ya Allah, j'ai fait l'intention de jeûner pour ton visage un mois. Malgré cela, ce n'est pas bien ce qu'a fait la personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne ne puisse pas. Elle dit premièrement. Deuxièmement, Allah Ta'ala a obligé de jeûner seulement le mois de Ramadan, pourquoi toi tu te fais obliger des choses que Allah n'a pas obligé? Non, jeûne sans faire de vœux pieux. Jeûne comme ça. Dis demain je jeûne, Inch'Allah. Inch'Allah, demain je jeûne. Et fais la niya la nuit, et jeûne le matin, et comme ça. Mais ne fais pas le vœu pieux, parce que des fois tu peux pas, quoi, tu ne peux pas, yani, comment qu'on dit ça, tenir ta parole. Et maintenant, je vais vous poser une petite question. Laissez-moi le temps de chercher un verset qui dit « Yufuna bin nadr, yufuna bin nadr ». Regardez le verset que je vais citer ici. Et je vais vous tester un peu. « Yufuna bin nadr ». Bin nadr. Regardez ce verset. Allah Ta'ala a dit « Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ». L'insan 7. Ils accomplissent leurs vœux, les vœux pieux, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Yani, sort l'insan. Non, sort l'insan. Allah Ta'ala est en train de faire des éloges. Les éloges, yani, pour les gens qui vont entrer au paradis, il a dit, les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera le camphre. Non. D'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Non. Et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin, aux prisonniers. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude et ainsi de suite. El Mohim. Donc tout cela c'est dans un contexte. Dans un contexte de quoi? Dans un contexte de d'éloge. C'est dans un contexte d'éloge que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, où là, yani, se trouve le verset, nam, ce verset qui est, je remets ici le verset, qui dit, voilà, ils accomplissent le vœu. Ils accomplissent le vœu, yufuna bin nadr, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Je voudrais que vous me disiez, pour celui qui a la réponse, de réfléchir un peu, comment? Moi j'ai dit que le vœu pieux était détestable ou alors interdit. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ces jeux, il a dit qu'il faisait des vœux pieux. Donc n'est-ce pas là une contradiction? Imaginez que vous aviez, yani citez ma parole, vous avez dit, on a entendu par exemple Cheikh Chalabi, il a dit que c'est détestable ou interdit. Et quelqu'un vous met ce verset. Vous dites non, c'est pas possible. Le verset dit que en parlant des gens, en faisant les éloges, Allah Ta'ala dit qu'ils accomplissent leurs vœux. Comment ça c'est interdit? Alors, c'est quoi la réponse? Je vous donne une minute. Wesmak, enlève les mains. Contact sur, descend les mains. Celui qui a la réponse, il prend le micro. Celui qui a la réponse, il prend le micro, Inch'Allah. Il faut faire bouger un peu le cerveau. Il ne faut pas dormir. Ou essayer de réfléchir. طيب enlève Oum Ismaïl et elle écrit. Oum Suleiman, prépare-toi et écrit. Bint Othman, prépare-toi et écrit. Contact sur, quand c'est prêt, on voit. Alors, il y a quelqu'un qui répond, il y a un frère qui prend le micro et qui peut parler. Est-ce qu'il y a un frère qui prend le micro? Les versets, on parle de ceux qui font le vœu sans contrepartie. Tandis que ceux qui est makruh se font le vœu en contrepartie, qu'on ait le hadith. Si bon, il le respecte. Samir, tu as dit s'ils font le vœu, ils le respectent. C'est la réponse de qui? Réponse de qui? C'est la réponse de qui? De toi. Ça suffit. Ça suffit. Donc c'est ça la réponse, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a dit. Et Allah Ta'ala a dit que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils accomplissent. Mais il n'a pas dit que c'est bien qu'il fasse le vœu pieux. Il a dit seulement que quand quelqu'un fait le vœu pieux, il doit l'accomplir, même s'il est détestable. Non. On n'a pas entendu le début. C'est ça le début et la fin. J'ai dit que Allah Ta'ala n'a pas dit que yani, c'est bien de faire le vœu pieux, dans ce verset numéro 7. Mais il a dit que celui qui a fait le vœu pieux, il doit, il y a un irrespecté, il doit le faire, c'est tout. Mais il n'a pas dit que c'est bien de le faire. On reste toujours à la base que c'est makruh et détestable de le faire. Mais si quelqu'un le fait, alors il doit l'accomplir. Naam. Tayyib, on passe à une autre question. Barakallahu fikum, Cheikh. Cinquième question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières à vous et votre famille, ainsi qu'aux admins. Amin. Nous avons vu au début du cours que celui qui a l'habitude de jeûner peut jeûner aussi les 15 derniers jours de Sha'ban. Est-ce valable si je n'ai jeûné que quelques jours, les 15 premiers jours? Oui, justement, c'est ça. Si la personne a jeûné les 15 premiers jours de Sha'ban, naam. Alors elle peut continuer, si elle veut, 17, 18, 20, 22, naam. Mais ce n'est pas bien de jeûner jusqu'au 30e jour, naam. Mais il faut qu'elle laisse y aller un ou deux jours qui sont la séparation entre Sha'ban et Ramadan bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Mais pour quelqu'un qui n'a rien jeûné pendant les 15 premiers jours de Sha'ban, c'est pas bien par rapport à lui de commencer à jeûner après les 15 yani derniers. Pour les 15 derniers. Naam. Tfadhal. Jazakum Allahu khayran. Sixième question. Ma maman ne peut jeûner pour cause de maladie. Peut-elle donner zakat al-fitr à sa sœur qui est dans une situation difficile au bled, seule et pas mariée, même si elle vit avec ses deux sœurs, mais elle ne lui donne rien, même pas de quoi manger suite à des conflits de famille. Et la compensation qu'elle doit donner par jour, peut-elle se faire en argent ou doit-elle être faite seulement en nourriture Barakallahu fikum cheikh pour votre réponse. Pour la première question, par rapport à donner à sa sœur, c'est possible de lui donner zakat al-fitr. Naam, c'est possible. Il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Par rapport à la deuxième, naam, quand on a des... Qu'est-ce qu'il dit ici, hein? Les compensations qu'on doit donner par jour, c'est seulement nourrir un pauvre. Et ce n'est pas lui donner de l'argent, mais le nourrir. Et le nourrir, ce n'est pas aussi obligatoirement yani, cuisiner. Cuisiner, yani, shorba, ou bien shtetha, ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est possible de lui donner ça, yani, comme par exemple 2 kilos de riz, 2 kilos de lentilles, 2 kilos de... Comment ça s'appelle avec, Loubia, comment ça s'appelle Loubia? 2 kilos de haricots, ça. Et comme ça, c'est pas obligé d'aller cuisiner, de lui donner ou là de l'inviter à manger. C'est aussi possible d'acheter 2 kilos de haricots ou là de lentilles ou là et de lui donner pour que lui, yani, il prépare ça. Tfadal. Jazakum Allahu khayran. Septième question. Mon fils aura 4 mois au début du Ramadan. J'ai l'intention de jeûner, Inch'Allah, mais je voudrais savoir s'il était possible de rompre mon jeûne au cas où cela me serait difficile. Si oui, comment devrais-je compenser cela? Jazakumullahu khayran, tafaddal cheikh. Je n'ai pas très bien compris la relation entre son fils de 4 mois et le fait qu'elle rompe son jeûne. Sauf si elle veut dire par là que, yani, ça devient difficile dans le sens où elle voudrait l'allaiter, ou qu'il a besoin de lait. Voilà, peut-être comme ça elle veut dire. Je dis, vous connaissez la règle. Si l'enfant, le bébé ne dépasse pas 5 mois, pour certains. Sinon pour d'autres, même s'il dépasse, il n'y a pas de problème. La règle, c'est quoi? Si la femme a peur pour elle-même, ou pour son bébé, et si elle arrête de l'allaiter, elle a peur, yani, pour son bébé, ou pour elle-même. Dans ce cas, si yani, elle mange, elle a peur que si elle jeûne, ce sera difficile pour elle, pour son bébé, donc elle doit manger. Si elle mange, non, on avait dit qu'elle ne rattrapait pas, mais qu'elle nourrissait pour chaque jour manger un pauvre. Elle nourrissait pour chaque jour manger un pauvre, mais avec l'une des deux conditions. Ou bien elle a peur pour elle, ou bien elle a peur pour son bébé. Mais comme ça, sans raison, non. elle doit jeûner. Tafadhal. Barakallahu fikum. Huitième question. Assalamu alaikum. Actuellement enceinte, alhamdulillah, si pendant Ramadan je ne peux jeûner, que dois-je faire? Nourrir un pauvre sans rattraper mes jours de jeûne ou nourrir un pauvre et rattraper quand cela me sera possible? Petite parenthèse, la sœur, elle sera à son 7e mois de grossesse durant Ramadan. Jazakumullahu khairan. Celle qui est enceinte a le même statut que celle qui allait. Toute femme qui est enceinte, ensuite c'est le Ramadan, elle doit jeûner. Ça c'est la base. Tout le monde doit jeûner, tout le monde. Excepté les malades, etc. Parmi les exceptions, celle qui allait, si elle a peur pour elle ou pour son fils. Et aussi parmi les exceptions, celle qui est enceinte et qui ne peut pas jeûner, qui trouve que c'est très difficile de jeûner. Si elle a peur aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange, et pour chaque jour mangé, elle nourrit un pauvre. Elle ne rattrape pas. Mais avec la condition que elle voit que ce n'est pas possible de jeûner. Tafadhal. Barakallahu fikum. Neuvième question. Assalamu alaikum, cheikh. Assalamu alaikum. Qu'en est-il du goût prononcé du dentifrice pendant le siyam? Après avoir rejeté le dentifrice avant l'heure du fajr, on sent toujours un goût dans la bouche. Barakallahu fikum. Naam, le goût qui reste dans la bouche ne gêne pas. Ne gêne pas, pourquoi? Parce que, yani, on ne l'a pas mis maintenant dans notre bouche après, yani, le fajr. Mais il est resté dans notre bouche alors qu'on l'a utilisé avant le fajr. Alors que certains disent que même après le fajr, si le dentifrice a un goût, ils ont dit que ça n'annule pas le fajr, n'annule pas le siyam. Mais pour être plus prudent, la personne, si c'est avant le fajr, il n'y a pas de problème, elle l'utilise, même s'il laisse un goût après. Et si c'est après le fajr, de préférence, elle utilise un dentifrice qui n'a pas de goût comme ça dans la bouche, qui ne laisse pas ce goût. Non, pour plus de prudence. Tafadhal. Jazakumullahu khayran. Donc, dixième et dernière question. L'année dernière, j'étais enceinte et en Umrah pendant le Ramadan. J'ai réussi à jeûner seulement 4 jours, mais avec difficulté en raison de ma grossesse. J'ai entendu Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, dire dans un cours que si un voyageur jeûne, malgré que cela est très difficile pour lui, son jeûne n'est pas valide. Cela est-il aussi valable pour la femme enceinte qui se force à jeûner? Mes 4 jours de jeûne sont-ils valides? Jazakumullahu khayran. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, ou bien peut-être parler du jeûne surérogatoire, ou bien parler du jeûne de la personne qui est enceinte, qui a vraiment mal, qui a peut-être même peur pour son bébé, et qui malgré cela jeûne. Alors que Allah Ta'ala lui a donné quoi? Lui a donné la permission de manger. Dans ce cas, ce n'est pas bien. Mais pour la femme ici, qui a fait des efforts en difficulté à jeûner, Inch'Allah Ta'ala que ce jeûne, yani, ce n'est pas la peine de le refaire ces 4 jours. Non, parce qu'elle l'a fait avec une niya, elle ne savait pas, et ensuite, elle a fait des efforts yani, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, conclusion, la femme qui est enceinte, si elle a vraiment des difficultés à peur pour elle ou pour son fils, non, elle peut manger, et dans ce cas, elle ne rattrape pas. Mais pour chaque jour mangé, elle nourrit un pauvre. Ou bien, elle l'invite à la maison, lui donne à manger, ou bien le prend dans un petit resto. Et lui donne, lui paye à manger, ou bien lui achète 2 kilos de riz ou 2 kilos et lui donne. Si elle veut aussi avec un petit morceau de viande, nam, et c'est lui qui va cuire et cuisiner. Nam, c'est pas obligé pour elle qu'elle cuisine. Nam. As-tu une dernière question, Inch'Allah Ta'ala? On termine, Inch'Allah Ta'ala, avec ces 2 questions, parce qu'il me reste. Donc j'ai dû avoir un problème de connexion, j'ai pas entendu la fin. Mais j'ai entendu le début, donc alhamdoulilah, je pose les questions. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour votre da'wah.